Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La chose est entendue. Plus personne ne devrait, à notre époque, croire à la magie, au sortilège et au sort des temps anciens. Pourtant, un certain esprit magique demeure bel et bien. L'émission Les Nuits Magnétiques s'est intéressée à ce monde irrationnel, et pourtant bien réel, dans une série documentaire en 5 épisodes diffusée en 1979, Le Troisième Œil. Voici le deuxième volet de cette série, consacré aux jeteurs de sorts. Un épisode dans lequel vous entendrez notamment la voix de la grande anthropologue Jeanne Favret-Saada, spécialiste bien connue de la sorcellerie dans le bocage normand. Elle nous raconte comment la connaissance de certains secrets a pu se retourner contre elle. Preuve peut-être que l'on ne pénètre pas impunément dans cet univers si particulier. Nuit magnétique, bonsoir. Moi, je fais de l'envoûtement. Bon, alors là, c'est autre chose, parce que là, c'est vraiment la chose qui m'intéresse encore. Et c'est ensuivi une séance de désenvoûtement, où c'est moi qui étais finalement le sujet, la victime, si on peut dire, et où il a essayé de me procurer à la fois une protection contre ces forces que j'étais venue braver chez lui, et en même temps, où il a essayé de m'initier, entre guillemets, hein, parce que lui ne le prendrait peut-être pas comme ça, ce qu'il voulait dire chez lui, m'ouvrir le troisième œil. Le troisième œil, par Liliana Binsour, Laurent Danon-Boileau et Bruno Sourcy. Ce soir, guérisseur et envoûtement. Monsieur F, sociologue. J'ai été amené à m'intéresser aux guérisseurs, d'abord pour moi-même et pas du tout en tant que sociologue. J'avais une amie qui se faisait soigner chez un guérisseur, elle-même étant étudiante, sa famille étant vivant à la campagne, et une famille de gens appartenant à la France profonde, rurale, qui se faisait soigner chez un guérisseur depuis des années. Et quand j'avais des problèmes de santé, elle me conseillait d'aller voir son guérisseur. Pour moi, un guérisseur, c'était plutôt, enfin, sinon un charlatan, du moins un personnage dont je me méfiais. Je n'avais aucune envie de me faire soigner par un guérisseur. Et ça n'est qu'après beaucoup de discussions, beaucoup de temps, que finalement j'ai consenti à essayer. Je dis bien à essayer d'aller chez ce monsieur qui était un homéopathe, radiesthésiste, non médecin, donc guérisseur, ayant été plusieurs fois inculpé d'exercice illégal de la médecine, ayant autour de lui une aura de personnages dotés d'un fort pouvoir, alors dans la région où il exerçait, dans l'est de la France, beaucoup de bruit, l'entourait. Une sorte de légende s'était constituée autour de lui. Par exemple, les gens de la famille de mon ami disaient que, une fois, le curé de son village, à lui, le radiesthésiste homéopathe, l'avait dénoncé comme imposteur. Et le dimanche suivant, il était allé à la messe et avait hypnotisé le curé au moment où il montait en chaire et s'apprêtait à prononcer un sermon. Bien. Il y avait donc cette anecdote et puis un certain nombre d'autres qui circulaient sur lui. J'étais au courant de ça et je suis allé voir ce guérisseur pour me faire soigner. J'ai ensuite amené quelqu'un de ma famille qui était alors là gravement malade chez ce guérisseur en désespoir de cause parce que les médecins ne pouvaient rien pour lui. Et d'ailleurs, le guérisseur n'a rien pu faire de plus que ce que les médecins avaient fait, ni de plus ni de moins. Enfin, il essayait de faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire de donner un certain nombre de remèdes qui n'ont pas été efficaces. En ce qui me concerne, non plus d'ailleurs. Le guérisseur ne m'a pas spécialement aidé, il m'a intrigué, et quelque chose de cette visite est resté gravé en moi. Mais en fin de compte, je suis allé voir quelqu'un qui était susceptible de répondre à ma demande d'une façon peut-être plus satisfaisante, c'est-à-dire me permettant davantage de m'identifier ou de transférer sur lui, c'est-à-dire en fait, en l'occurrence, un psychanalyste. Et donc je suis passé de mon guérisseur à un psychanalyste, et j'ai cessé alors d'aller chez ce guérisseur, chez qui j'étais donc une ou deux fois, et à qui aussi j'ai envoyé une lettre, parce qu'il soignait aussi par correspondance. Il fallait envoyer une mèche de cheveux, il l'analysait, et puis il répondait à ses clients en leur prescrivant un certain nombre de remèdes homéopathiques. Ça n'empêche qu'il m'avait fortement impressionné, même s'il n'avait pas été efficace sur moi, et que du jour où j'ai voulu faire un travail sociologique sur la médecine populaire ou la médecine traditionnelle. À cette époque, je m'intéressais à ces problèmes-là et à l'histoire de la médecine en général. Je m'intéressais notamment, c'était dans les années 70, on en parlait beaucoup, aux médecins aux pieds nus qui exerçaient en Chine populaire. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait quelque chose d'équivalent ou de plus ou moins équivalent en France. Et je me suis alors rappelé ce guérisseur. Madame A, guérisseuse. Bon, alors le malade arrive, je le fais asseoir, je m'assois à côté de lui et je prends contact, c'est-à-dire je me mets en harmonie avec lui. Enfin, c'est une question d'onde, c'est encore très mal expliqué, mais j'explique ça moi comme ça, c'est une question d'accord d'onde. Je prends le bras du malade, son bras droit, avec ma main droite, et je me concentre ou je me déconcentre. Et je commence à sentir soit ces maladies, soit les points à soigner. Je sens sur moi les points d'acupuncture qui doivent être faits sur le malade. Le malade, lui, n'a pas conscience de ces points-là. Mais quand on les touche, ils sont douloureux. Si vous touchez un millimètre à côté, il n'a absolument pas mal. Si vous touchez le point que je sens sur moi, à ce moment-là, il ressent. Et je masse le point. Il m'arrive de ne plus sentir les points l'espace de quelques minutes et de sentir à ce moment-là un organe. J'ai mal sur moi, je suis absolument comme un miroir, je sens le côté opposé. Personne n'a un problème à droite, je le sens à gauche et vice-versa. À ce moment-là, j'impose la main sur la partie que je sens malade. Je ressens toujours la maladie en douleur. C'est-à-dire j'ai mal, même si la personne n'a pas mal, je le ressens en douleur. À ce moment-là, j'impose la main, donc c'est du magnétisme traditionnel, ou alors je soigne par passe. Les passes sont des mouvements des mains, soit en tournant au-dessus de l'endroit malade, soit en des passes en longueur, enfin de bas en haut, de haut en bas, qui peuvent activer les fonctions d'un organe, ou qui peuvent les ralentir si l'organe fonctionne trop. Le magnétisme passe directement. Bon, alors, lorsque je suis en contact avec un malade, j'ai mal, j'ai tout le temps mal. J'ai mal toute la journée puisque les malades se succèdent. Donc, je souffre, enfin, entre guillemets, parce que il y a souffrance et souffrance. Celui qui souffre et qui ne sait pas comment il va s'en sortir souffre moralement, ce qui est très dur. Je n'ai pas de souffrance morale en soignant, j'ai une souffrance physique et je sais que cette souffrance va disparaître avec le départ de ce malade. Bon, quand le malade s'en va, il m'arrive de continuer à souffrir et je suis obligée de me dégager. Chaque magnétiseur se dégage à sa manière. La mienne, c'est de me passer les avant-bras et les mains sous l'eau froide courante. Il arrive que certains malades soient très pris et j'ai à ce moment-là plus de mal à me dégager. Je suis obligée soit d'arrêter quelques instants, quelques minutes, de sortir de la pièce, de faire des respirations profondes. Bon, je prie beaucoup, à ce moment-là je demande de l'aide et il m'arrive le soir d'être obligée de prendre une douche sérieuse froide pour me dégager complètement des ondes que j'ai reçues toute la journée. Je voudrais vous dire aussi que pour moi, la prière est très importante. Je parlais de spiritualité tout à l'heure et je crois que la prière est le lien qui nous permet, c'est un lien, ça nous permet d'être en harmonie avec ses forces. C'est pour moi vraiment la chose la plus importante. Je peux, si vous voulez, vous dire comment je conçois ce que je pense d'un guérisseur, d'un bon guérisseur, et ce qui le différencie d'un moins bon magnétiseur. On est en relation avec le cosmos, et dans ce cosmos, il y a des forces qu'on ne voit pas, que certains peuvent voir, mais que la majorité de personnes ne voient pas, et ces forces nous pénètrent. On se branche sur ces forces, qui sont ou positives ou négatives. Celui qui est élevé, plus élevé spirituellement, se met en accord de vibration avec les forces élevées et transmet donc des forces élevées bénéfiques. Celui qui est négatif transmet des forces négatives et peut faire du mal. Donc plus le magnétiseur, le guérisseur, plus le guérisseur est élevé spirituellement, je crois, et c'est mon opinion personnelle, et plus il peut guérir efficacement. Il transmet une force qui n'est pas sa force personnelle. Je ne crois pas qu'il y ait une déperdition de force ou de magnétisme chez le guérisseur. Il n'est qu'un appareil à transmission. C'est un appareil émetteur, récepteur et émetteur. Je pense que ce qui vous intéresse un petit peu aussi, c'est de savoir si on sentait certaines personnes envoûtées. Je vais vous répondre parce que c'est un problème important quand même. Ce n'est pas du tout mon domaine. Je ne m'en occupe pas. Je pense que certaines personnes sont aptes vraiment à s'occuper de ce problème grave, en particulier des prêtres, quand ils sont d'accord avec l'idée que ça existe, parce que certains ne sont pas d'accord. Or, ça existe. Je les ressens personnellement d'une certaine manière, différente, d'autres les ressentent différemment. Lorsqu'une personne, c'est rare, hein, mais lorsqu'une personne arrive et a ce problème-là, j'ai une impression, moi, d'étranglement. Je ne peux plus parler, j'ai comme une main qui me serre la gorge et je ne peux plus parler. Je sais, ça paraît étrange, d'autres le ressentent très différemment. Je cite mon expérience personnelle, tout simplement. À ce moment-là, j'oriente la personne vers un prêtre. Ce genre de personnes, on ne peut pas les guérir dans la mesure où il y a une force négative très forte qui nous dépasse. Donc il faut un dégagement très particulier. Et à ce moment-là, la guérison vient. Autrement dit, c'est absolument indépendant d'une médecine officielle ou d'un guérisseur traditionnel. Ça relève vraiment de la spiritualité. Ce sont des cas quand même assez rares, mais il y en a quelques-uns. Thank you. Ça n'empêche qu'il m'avait fortement impressionné, même s'il n'avait pas été efficace sur moi, et que du jour où j'ai voulu faire un travail sociologique sur la médecine populaire ou la médecine traditionnelle, à cette époque je m'intéressais à ces problèmes-là et à l'histoire de la médecine en général. Monsieur F, sociologue. Je me suis alors rappelé ce guérisseur. Et alors, je me suis décidé à ce moment-là à retourner voir ce monsieur et à lui demander s'il acceptait que je vienne alors le voir non plus comme client, mais en tant que chercheur, faisant une recherche ethnologique, sociologique, enfin, dans le domaine des sciences humaines, sur la vocation de quelqu'un qui exerce une profession illégale et illégitime. Il a accepté... semble-t-il, d'autant plus facilement que j'avais d'abord été son client. Alors il m'a raconté son existence, sa trajectoire, comment il en était venu à être guérisseur. Finalement, il était devenu guérisseur, élu par son village, élu par les gens du CRU qui avaient vu en lui, qui avaient reconnu en lui, qui avaient légitimé en lui les premiers tâtonnements de son exercice d'homéopathe radiesthésiste. Et ce courant populaire dans son environnement l'avait amené à supporter dès l'âge de 16 ans avec succès ces épreuves qu'avaient été, donc dès l'adolescence, des procès pour exercice illégal de la médecine. Bon. Mais enfin, j'étais sceptique tout en trouvant que le personnage avait une certaine consistance, en même temps que j'éprouvais en lui, ce que je n'ai pas d'ailleurs éprouvé par la suite en voyant d'autres guérisseurs, quelque chose d'insaisissable, de fuyant à mon égard, et en général. J'avais l'impression qu'il abritait son savoir-faire et son pouvoir derrière une distance. Une distance qui se manifestait par la rapidité des consultations. Il me recevait en 5 minutes. Et d'ailleurs, tout le monde, il avait 120 clients par jour. Il donnait des rendez-vous très précis. Il commençait à 7h30, 8h. Les gens venaient parfois de très loin, 100 km, 200, parfois des environs. J'ai connu dans la famille de mon ami des gens qui venaient chez lui et se rassemblaient en une véritable expédition pour aller chez lui. Alors ils y allaient 5 dans une voiture ou 2 voitures et puis tout le monde y allait le même jour, les gens de ce village par exemple. Bien, alors il vous fixait un rendez-vous à 8h, 8h10, 8h, etc. Et donc les gens se succédaient dans sa salle d'attente. Ça se passait donc très rapidement. La clientèle était impressionnante, le nombre de voitures qui stationnaient devant chez lui, bien qu'il prenait la précaution de demander par écrit, en vous fixant le rendez-vous, de ne pas garer votre voiture à côté de sa maison. Il expliquait qu'il y avait un parking plus loin. Et d'ailleurs, la lettre qu'il vous envoyait pour vous convoquer était tapée à la machine, sans signature, afin qu'il ne soit pas identifiable. Et de même que les prescriptions qu'il recommandait à la fin de la consultation, ou en vous l'envoyant quand c'était une consultation par correspondance, était toujours tapé à la machine sans signature. Alors la consultation, bon ben, il vous faisait entrer, il me faisait entrer, et à ce moment-là, il prenait son pendule, il le promenait sur ma main, et il me disait en suggérant plus qu'en affirmant pourquoi je venais, dans quel but je venais. C'est ainsi qu'il procédait avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il disait, bon, vous venez pour ceci, pour cela, n'est-ce pas, je ne me trompe pas. Bon, il attendait là une confirmation ou une infirmation. Et puis ensuite, une fois que le dialogue s'était établi de cette façon-là et qu'il avait prouvé son savoir et son pouvoir, en diagnostiquant plus ou moins, enfin, du moins en disant quelle était la cause qui vous amenait chez lui, eh bien, il promenait son pendule sur un certain nombre de tubes témoins avec des produits homéopathiques Et ça allait très vite, 30 secondes, 40 secondes. Et puis alors, il disait, bon, je vais vous donner ceci, ceci, cela. Il tapait aussitôt à la machine. En conseillant de ne pas, en me demandant quel médicament est-ce que vous prenez, et en me disant bon ben ça c'est compatible avec tel médicament et pas avec tel autre, alors il vaut mieux ne pas prendre tel médicament. Il tapait donc tout ça à la machine, et puis bien, au revoir monsieur, et on lui donnait ce que l'on voulait. Oui, alors ça c'est important. Il n'y avait pas de tarif. Et d'ailleurs je n'ai revu cette pratique, pas de tarif, d'absence de tarification par le guérisseur, que dans les campagnes, comme c'était le cas avec lui, ou chez des guérisseurs débutants. Mais les guérisseurs qui exercent en ville, généralement, demandent un tarif. Bon, alors voilà comment je me suis... Bon, j'étais face à lui de cette façon-là. Et quand j'ai commencé à faire... Par contre, quand je suis revenu le voir en tant que sociologue, peut-être 2-3 ans plus tard, en sortant de chez lui, j'étais beaucoup plus impressionné. Beaucoup plus impressionné que quand j'étais allé le voir comme thérapeute. Et d'ailleurs, j'ai eu ce qui m'arrive jamais, en partant de chez lui après l'interview, j'ai eu un léger accident. Alors, je me sentais assez mal, j'avais un peu peur, j'étais plus impressionné par le guérisseur, objet de ma recherche, que par le thérapeute. Surtout le chemin du retour... J'ai donc éprouvé une certaine inquiétude, une certaine anxiété peut-être, une sorte d'appréhension qui a disparu d'ailleurs lorsque je l'ai revu par la suite, mais que j'ai éprouvé cette fois-ci, dont je me souviens fort bien, et que j'ai éprouvé une autre fois avec un autre guérisseur, pendant une interview, où ce deuxième guérisseur me parlait d'une expérience qu'il avait vécue, d'envoûtement, où il avait été envoûté. Et alors, est-ce que c'est la relation d'écoute, d'empathie, face à la personne avec qui je m'entretenais, qui provoquait cela ? Mais enfin, je me sentais vivant avec lui ce qu'il avait vécu, et quand il parlait des pierres qui arrivaient sur sa maison... Pendant son envoûtement, j'avais l'impression que les pierres allaient briser les vitres du bureau où j'avais cet entretien et allaient me tomber dessus. Madame Favre Saada, ethnologue. Un envoûté, c'est quelqu'un qui souffre de malheurs à répétition. C'est-à-dire qui un jour perd des lapins, le lendemain, ses vaches ne donnent plus de lait, ou deux vaches ne donnent plus de lait, quelques jours après, c'est sa femme qui avorte, quelques jours après, son fils se casse une patte. Et puis encore un temps passe et puis il est pris de maux de tête inexplicables. Encore un temps passe et le tracteur se détraque. Et si on va chez le garagiste, il ne comprend pas la panne. Encore un temps passe et quelqu'un a une maladie incompréhensible que le médecin ne peut pas guérir. Et au bout de... plusieurs mois de malheurs inexplicables et répétés, un voisin ou un ami finit par dire « Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui te veut du mal ?» Alors à ce moment-là, on discute de ce qui s'est passé depuis le début des malheurs. Enfin, on essaye de remonter au début des malheurs. Celui qui dit « N'y aurait-il pas un qui te veut du mal ?» Je l'appelle l'annonciateur, c'est celui qui annonce son état à l'ensorceler, et c'est toujours quelqu'un qui a été lui-même ensorcelé précédemment et qui s'en est sorti grâce à un des sorceleurs. Et donc cet annonciateur emmène le nouvel ensorcelé chez son précédent désorceleur et à ce moment-là, une cure de désenvoûtement commence. J'avais pas du tout prévu que quelqu'un devrait me déclarer que j'étais ensorcelée et que j'allais avoir à passer par un désenvoûtement. D'abord, je pensais pas que ça pouvait arriver, c'est-à-dire je connaissais pas cette possibilité. Ensuite, ce paysan, il a conclu de signes que je donnais de façon tout à fait involontaire, c'est-à-dire j'essayais pas du tout de me faire passer pour une ensorcelée. Simplement, j'avais des signes que ça n'allait pas du fait que je m'occupais de sorcellerie, mais j'avais jamais pensé à essayer de les exprimer. C'est-à-dire que chaque fois qu'on me demandait, que des paysans me demandaient ce que ça me faisait de m'occuper de la sorcellerie, je répondais très gênée que ça me faisait des choses, que j'avais des accidents d'auto, que je faisais des cauchemars, que je tombais malade de petites maladies, mais enfin qui quand même m'empêchaient de bouger pendant quelques jours à chaque fois. Bon, mais j'étais très gênée d'avoir à le dire. Quand il m'a dit ça, j'ai été extrêmement soulagée. Parce que, d'une certaine façon, c'était vrai ce qu'il disait. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'allais être soulagée du poids de m'intéresser à la sorcellerie, en ayant comme garantie que moi-même, enfin comme en ayant pour me soutenir que moi-même. Bon, en même temps, évidemment, c'était pas si simple, c'est-à-dire que quand il m'a donné rendez-vous avec sa désenvoûteuse, j'ai quand même eu un accident d'auto supplémentaire pour arriver chez elle. Je suis donc arrivée avec 2 ou 3 heures de retard. Bon, et après cette première séance, je crois que j'aurais dû revenir plus rapidement, que j'ai mis longtemps avant de revenir, et qu'ensuite il aurait fallu que je revienne très souvent chez elle et que j'ai commencé par prendre la fuite pendant 6 mois. Mais en même temps, c'était très reposant de savoir que j'étais soutenue et supportée, enfin, comme n'importe quel être vivant dans le bocage, par ce discours de la sorcellerie, que j'y avais place comme n'importe qui. Parce que c'était spécialement inconfortable de m'y intéresser en étant soutenue idéalement que par le fait que je faisais de la science. Bon, alors en effet, ce qui a changé à partir de ce moment-là, c'était qu'une des envoûteuses me nommait mes états, me disait vous souffrez de ci, vous souffrez de ça, et c'est parce que vous êtes ensorcelée et on va chercher qui vous l'a fait et on va... Et ça va y faire. Et qu'après ça, d'abord, je pouvais me promener à travers le bocage. Et quand on me disait « Comment vous supportez ça ?», je disais « Ben, très mal. Je suis moi-même... je vais chez une petite mère dans la campagne qui me tire d'affaire. » Et ça paraissait absolument normal aux gens que écoutant des ensorcelés, je sois moi-même ensorcelée. C'était une voyante, hein, c'est-à-dire qu'elle... elle faisait toute une espèce d'exploration par les cartes de la situation dans laquelle j'étais ou dans laquelle étaient ses consultants. Bon, alors elle commence son tour de cartes et assez vite elle tombe sur la conclusion que je suis ensorcelée, que quelqu'un m'en veut et que je suis ensorcelée. Bon, ça m'étonne pas du tout puisque j'étais venue pour ça, somme toute, pour qu'on me dise que j'étais ensorcelée. Où ça a commencé à aller moins bien pour moi, c'est quand elle m'a dit ben, « Donnez-moi les noms de vos sorciers. » Et à ce moment-là, bien que officiellement je ne crois pas dans la sorcellerie, que je sois dans cette espèce de situation intermédiaire où à la fois je me sentais mal et quand on me disait que j'étais ensorcelée, je disais « Oui, ça, c'est vrai. » Et en même temps, j'y croyais pas du tout parce que je croyais pas qu'il existe des sorciers, etc. En même temps, si on me dit donnez le nom de vos sorciers, je ne trouve plus aucun nom. J'ai eu un blanc et je suis restée complètement sèche. Et elle a commencé à s'énerver, à agiter ses cannes et à me dire nommez-les. Je peux faire remarquer que si je pouvais pas les nommer, c'est que j'y croyais quand même à la sorcellerie. Parce que sans ça, j'aurais pu donner des noms de gens que je connaissais ou même des noms de gens que je ne connaissais pas, mais j'aurais pu donner des noms, quels qu'ils soient, et en particulier des noms de mes ennemis, puisque comme tout être humain, j'ai un certain nombre d'ennemis. Donc si je ne pouvais pas en donner, c'est que je pensais bien qu'elle était capable de les tuer, enfin que les nommer, c'était les tuer. Donc je ne trouve pas de nom, et elle finit par me dire, très énervée, dégoûtée un peu de ma stupidité, eh bien nommer... la dernière saloperie dont vous avez entendu parler, c'est-à-dire le dernier sorcier dont vous aurez entendu parler chez des ensorcelés. Et alors j'ai nommé le prophète Daron, parce qu'elle en aura déjà entendu parler par la presse. Ce qui est une hypocrisie incroyable, parce que ça veut dire que ça n'est pas moi qui nomme Bro, le prophète, c'est la presse. Si il meurt, c'est la faute des journaux. Savoir, c'est que le désenvoûteur prend sur lui le mal qui est envoyé à l'ensorceler, et que c'est pas du tout une plaisanterie. C'est quelque chose d'extrêmement pénible, et pendant la séance de désenvoûtement, on voit le désenvoûteur transpirer, vaciller, être agité par des forces très violentes. Il s'agit d'un combat. La question de savoir s'il est symbolique ou pas est secondaire. En tout cas, le désenvoûteur, lui, il souffre et il lutte pendant cette séance de désenvoûtement. Alors certains, les rituels changent selon les guérisseurs, les désenvoûteurs. Il y en a qui font piquer un cœur de bœuf, qui font bouillir un cœur de bœuf et qui piquent un grand nombre d'épingles dedans et qui prononcent une phrase comme cœur pour cœur, c'est lui qui y passe, lui c'est le sorcier ou c'est moi. Enfin, ce moment-là est très dur pour le désenvoûteur, car il est en train de lutter contre des forces et on ne sait jamais qui va gagner. C'est-à-dire, il arrive que le désenvoûteur perde ou ne soit pas efficace. Le plus souvent, le lendemain d'une séance de désenvoûtement, le désenvoûteur est malade. Enfin, ça passe pas comme ça d'avoir désenvoûté. C'est pas quelque chose ni de facile ni de sans danger. Bon, il y a d'autres... la désenvoûteuse avec laquelle je travaillais, elle faisait ça par les cartes. Et elle disait qu'elle accomplissait un rituel en dehors de notre présence. Et elle nous donnait toute une série de rituels à accomplir nous-mêmes, de prières à prononcer, de protection. Et aussi, elle nous donnait un état d'esprit à avoir en toutes circonstances, qui consiste à se défendre, à savoir se défendre, à rendre coup pour coup, à ne jamais laisser quelqu'un avoir barre sur soi. Et de fait, après 6 mois de désenvoûtement, on se défend beaucoup mieux. Thank you. la rencontre de Madame G, chercheur, et de son mage. Il s'est présenté à moi comme étant quelqu'un qui faisait des voyages sur le plan astral, commençait à me raconter des histoires qui lui étaient arrivées dans la forêt de Fontainebleau, des problèmes de désenvoûtement, à me mettre en contact avec tout un monde dans lequel j'avais effectivement envie de rentrer. Ça s'est passé tout doucement, ça a mis très longtemps, ça a mis un an. Je veux dire, le moment où je me suis retrouvée dans une position effectivement initiatique, ça a vraiment duré un an, du moment où je l'ai vu, où on a discuté, où on a pris des pots ensemble, où il m'a raconté des choses et où il a perçu que je pouvais rentrer dans ce système. Et effectivement, il est arrivé un jour, ça s'est passé de la façon suivante, voilà comment ça s'est passé. Il était en difficulté lui-même parce qu'il était en train d'opérer un désenvoûtement compliqué. Et dans ce désenvoûtement, le désenvoûteur se met en danger, et particulièrement lui, puisqu'il était amené à se dédoubler pour pouvoir agir sur ce qu'il appelle le plan astral. Les forces en présence, semble-t-il, étaient très puissantes, et il était, au fond, poursuivi par un certain nombre j'appelle ça des forces parce que j'hésite à appeler ça des esprits, ce ne sont pas des esprits, par un certain nombre de forces qui vraiment en voulaient à sa peau, parce que là c'est des questions de vie et de mort, hein, c'est vraiment des choses où lesquelles les gens sont complètement pris, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas par exemple à réintégrer votre corps après un dédoublement, bon ben là soit vous êtes mort, soit vous êtes à Sainte-Anne, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Et au fond je me faisais beaucoup de soucis pour lui. Et il s'est trouvé, alors ça va vous paraître complètement bizarre, qu'un jour, où je savais depuis 2 ou 3 jours qu'il était comme ça aux prises avec ce genre de truc, j'avais très peur pour lui parce qu'il est cardiaque en plus. Hein, donc je savais que quand il met ses forces dans la balance, physiquement son corps en prend un coup. Et il s'est trouvé que c'était un jour de pleine lune, que j'avais remarqué ça, j'ai une terrasse chez moi. J'étais sortie sur la terrasse pour voir un ciel complètement fou, avec une pleine lune dramatique, extrêmement violente, des nuages qui vraiment galopaient à travers le ciel d'une façon intense, un vent du tonnerre, et un vent d'ouest, d'ailleurs, c'était au début du printemps, ça devait être au mois de mars dernier, très chaud presque. Et finalement, tout ça est parti d'une démarche personnel, c'est-à-dire que j'ai eu peur pour lui. Tout à coup, je me suis dit, ce type que j'aime bien, il est peut-être en train de fabriquer des choses qui sont auxquelles je ne crois pas toujours, mais finalement, il court un danger. Et il était minuit, j'ai pris ma mobylette et je suis allée le voir, ce qui représente un déplacement assez long, parce qu'il n'habite pas tout près de chez moi. Je l'ai trouvé chez lui, effectivement, où il était effectivement en prise avec des trucs. Et il a été absolument bouleversé de voir que j'étais suffisamment motivée pour me déranger en pleine nuit. En plus, c'était la pleine lune, ce qui quand même, d'un point de vue imaginaire, représente un certain nombre de choses. La pleine lune, c'est le moment où les esprits, où les forces sont censées être le plus actifs. Et pour lui, c'était le déclic. C'est-à-dire qu'à partir de là, d'une part, il a commencé à dire que je risquais gros, moi aussi, et s'est ensuivi une séance de désenvoûtement, où c'est moi qui étais finalement le sujet, la victime, si on peut dire, et où il a essayé de me procurer à la fois une protection contre ces forces que j'étais venue braver chez lui, et en même temps, où il a essayé de m'initier, entre guillemets, hein, parce que lui ne le prendrait peut-être pas comme ça, ce qui voulait dire chez lui m'ouvrir le troisième œil. Ouvrir le troisième œil, ça consiste à développer en fait les possibilités médiumniques de quelqu'un. Ce troisième œil, comme vous savez, est l'œil qui est situé à la jointure des sourcils, un petit peu au-dessus. Et alors ça s'ouvre en faisant des passes magnétiques, à la fois qui touchent le corps et en même temps qui ne le touchent pas. Et je me suis retrouvée d'ailleurs très, très mal à l'aise parce que au moment où il m'ouvrait le troisième œil, j'avais les yeux fermés, j'étais quand même censée voir des choses. Et effectivement, je n'ai rien vu, je dois dire, je n'ai absolument rien vu. J'étais très déçue Mais j'ai compris après que c'était quelque chose qui, comme toute initiation, de toute façon, était très long, que c'était pas du jour au lendemain qu'on devenait voyante comme ça. Et en plus, après tout, avais-je même la possibilité de le devenir. Mais il y a eu quelque chose de très étonnant, c'est que pendant plusieurs jours, j'ai senti dans mon dos une présence chaude, qui était pas du tout comme une couverture. Hein. C'était comme si... parce que bon, cet homme a effectivement des mains qui dégagent une énorme chaleur. Hein. Il peut se promener à 50 cm de votre corps, vous sentez tantôt c'est brûlant, tantôt c'est glacé. Alors, pareil, je ne sais pas de quelle heure date cette sensation, mais moi, je l'ai vraiment ressenti, ça. Et là, pendant 3 jours, c'était comme si ses mains étaient constamment derrière moi, et comme s'il était là, extrêmement présent. Bon, 3 jours, c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose en même temps, je veux dire. Et ça me suivait, je prenais l'autobus, j'assistais à des séminaires, je menais une vie parfaitement normale. Hein. C'est un truc qui est demeuré. Et je dois dire que... En plus, et alors ça se passait avant, donc vous voyez, c'est en y réfléchissant qu'on s'aperçoit que les initiations sont plus secrètes qu'il n'y paraît, et même pour la personne qui en est le sujet, beaucoup de choses ont été déclenchées par cet article que j'ai écrit à son propos, en partie à son propos, et que je lui ai lu. Parce que bon, le problème, c'est pour ce qui est de... faire de l'ethnographie aujourd'hui sur des gens de ce genre, il n'est pas question de se mettre à écrire des choses sur des gens avec lesquels où ces gens ne puissent pas se reconnaître. Enfin, c'est pas déontologiquement, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit l'article et puis je lui ai lu. Et ce qui m'a tout à fait étonnée, c'est qu'au fur et à mesure de ma lecture, où j'étais dans mes petits souliers, en me disant, est-ce qu'il va se sentir trahi? Comment est-ce qu'il va réagir? On peut se fâcher à mort? Enfin bon, je savais pas du tout sur quel plan me placer. Au fur et à mesure de ma lecture, il m'interrompait en me disant, est-ce que tu n'as pas peur de quelque chose? Et je lui dis, peur de quoi? Oui, j'ai peur de toi. J'ai peur de ce que tu vas penser. Lui n'était pas sur ce plan-là. Et à la fin de la lecture, il m'a dit, écoute, attends. Tu as touché à trop de choses, tu as trop compris de choses pour ne pas être quelque part menacé. Et son idée, c'est que c'est un domaine où le chercheur qui s'amène le nez au vent pour faire une étude, une recherche sur ce genre de truc, est tellement impliqué par sa recherche, même sans le vouloir, qu'il est capable de devenir la victime des forces qu'il a essayé d'analyser. D'où, c'était en suivi, c'est ça que j'oubliais en vous racontant, donc avant même ce premier jour, déjà une séance de désenvoûtement, qui a duré une demi-heure, ce qui est très très très très long, enfin moi j'ai trouvé que c'était très très très long, et qui était très étonnante, et là j'étais très contente qu'il y ait un tiers, c'est-à-dire mon mari était présent, parce que je ne me rendais pas compte de ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il a commencé à me magnétiser, à passer les mains autour de moi, ce qui n'exclut pas d'ailleurs une attitude où il peut parler en même temps. Hein. Ça peut aussi se passer d'une façon très, très banale. Sauf que ce qui se passe entre le corps du magnétiseur et votre propre corps, ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une interpénétration. Et au bout d'un moment, il s'est mis à me flanquer des coups énormes sur le front, là, vraiment entre les deux yeux, mais vraiment avec toute sa force. Et moi, je ne sentais rien. C'est-à-dire que je ne me rendais compte, du choc, si on veut. Mais mon mari m'a dit ensuite qu'il avait été épouvanté de voir la violence des chocs. Monsieur de Montagu, sorcier exerçant à Paris. Moi, je fais de l'envoûtement. Bon, alors là, c'est autre chose, parce que là, c'est vraiment la chose qui m'intéresse encore. Mais l'envoûtement, si vous voulez, ça se déroule d'une façon assez, assez particulière. Alors les gens viennent me voir pour des envoûtements extrêmement différents. C'est le monsieur qui a un contrat à signer avec, avec une boîte dont il attend beaucoup de choses et qui me dit, voilà, toute la décision de ce contrat dépend du président directeur général de la société machin. Il me dit, est-ce qu'on pourrait faire un travail sur lui? Je lui dis, oui. Alors, il m'explique son problème. Je vois si c'est possible ou si c'est pas possible. De toute façon, dans un premier temps, je lui demande de me fournir des éléments, enfin, un support, des éléments corporels de la personne sur qui on doit travailler. Soit des cheveux de l'intéressé, soit de la salive. Alors, ça vous semble peut-être curieux, mais la salive est un excellent support. Alors en général, ça surprend les gens quand je leur demande à Saïd, ils me disent comment est-ce que je vais faire? Je vais quand même pas lui demander de m'humecter un mouchoir. Je dis non, mais je dis tout le monde, enfin il y a beaucoup de gens qui fument. Un simple filtre cigarette imbibé d'un peu de salive ou simplement un timbre-poste collé sur une carte postale, ça suffit. On peut s'en servir comme support d'envoûtement ou alors des ongles, du sang, des choses beaucoup moins avouables. Mais enfin, à partir du moment où c'est un élément corporel, on va donc pouvoir l'inclure dans cette statuette. À partir de ce moment-là, donc, on va préparer la dagite en question, la petite statuette d'envoûtement avec ses éléments, et on va commencer un cycle d'envoûtement, c'est-à-dire qui va s'écouler sur 28 jours. Alors, il est préférable, et ça, moi, je le demande parce que c'est souvent indispensable. Je demande que lors des premières séances d'envoûtement, la personne qui me demande soit présente. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est fondamental. Parce que la personne qui me demande un envoûtement, mettons un envoûtement d'amour, c'est une personne qui est réellement concernée par le problème, à la fois physiquement et émotionnellement. Et à partir du moment où, lors de la cérémonie de travail, enfin la petite cérémonie qui va durer trois quarts d'heure, une heure, enfin quelquefois deux heures, quand c'est plus difficile, lorsque j'ai la présence de la personne, si vous voulez, il y a un gros avantage dans la mesure où elle représente un potentiel émotionnel, elle est réellement concernée, et je vais lui demander de visualiser, d'essayer de jouer son propre rôle, d'essayer de se mettre dans les conditions dans lesquelles elle se trouverait si elle se trouvait réellement en face de la personne. Donc, si vous voulez, la sorcellerie, c'est souvent basé sur un phénomène émotionnel. Il y a plusieurs, si vous voulez, moi j'entends des gens qui me disent, ah bah oui, mais vous faites des envoûtements en magie noire. Je dis non, magie noire c'est aberrant. Enfin, vous faites des envoûtements en sorcellerie, ah, vous faites des envoûtements en magie sexuelle, mais j'y mets de toute façon toute la sorcellerie est sexualisée, hein, puisque c'est un phénomène émotionnel. Ce qui se passe concrètement, dans un premier temps, si vous voulez, il y a une opération préliminaire dans laquelle on va en quelque sorte consacrer la statuette. Consacrer, il ne s'agit pas du tout d'un terme sacrilège, mais on va tout simplement la vitaliser, c'est-à-dire faire un rapprochement symbolique et avec l'intéressé. C'est-à-dire que cette statuette va recevoir en fait une espèce de charge émotionnelle, va en quelque sorte être le support émotionnel qui va permettre de l'identifier à la personne sur qui on doit travailler. En fait, c'est très simple. Si vous voulez, alors, je voudrais pas que les termes que je vais employer soient mal interprétés. Il y a un espèce de baptême par les quatre éléments. Il ne s'agit absolument pas d'une cérémonie sacrilège destinée à singer un baptême catholique, mais il s'agit tout simplement il s'agit en fait d'une cérémonie qui permette de préciser la personnalité de l'intéressé par rapport au macrocosme. C'est difficile à l'écrire, c'est beaucoup plus visuel que... difficile, mais en fait, si vous voulez, il y a un passage dans la fumée de l'encens, il y a un passage dans la flamme, il y a un passage dans l'eau, enfin, il y a différentes choses qui m'est difficile de décrire parce que, d'une part, c'est très gestuel, et puis d'autre part, je ne tiens pas tellement à en parler. Hein, parce qu'en fait, si vous voulez, ça donne lieu souvent à des interprétations. Et puis, à la suite de ça, il y a tout un phénomène, lui, qui est purement rituel, c'est-à-dire où il y a un texte qui va être récité en présence de l'intéressé. Je vais demander à la personne d'essayer de visualiser d'une façon extrêmement précise la personne sur qui on doit travailler, en essayant de visualiser d'une façon extrêmement, le plus intense possible, le résultat qu'elle compte obtenir de cet envoûtement. Et surtout, je vais lui demander de se mettre dans un état d'exaltation intérieure, dans un état d'exaltation et d'émotion intérieure, jusqu'à un paroxysme, et quand je vais sentir qu'effectivement cette personne arrive à cette espèce de, si vous voulez, d'exaltation, je vais l'interrompre, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une notion qui est très importante en sorcellerie, c'est ce qu'on appelle le phénomène de rupture. À partir du moment où il y a une tension émotionnelle qui est donc forcément sensualisée intérieurement, hein, il y a un phénomène, cette espèce de tension va atteindre un paroxysme, et il faut qu'il y ait un phénomène de rupture, c'est-à-dire d'arrêt extrêmement brutal. Et puis moi, je vais continuer. Je vais continuer les cérémonies pendant le reste du temps, jusqu'au bout de ces 28 jours. Madame Favre Saada, ethnologue. La désenvoûteuse, j'avais cessé de la voir sur ça faisait trois ans que je la voyais et j'ai trouvé que ça suffisait. J'ai fait comme tous les ensorcelés, c'est-à-dire qu'un jour j'ai annulé un rendez-vous. Bon, eux, ils annulent pas, ils viennent pas tout simplement. C'est une cure de désenvoûtement, ça s'arrête comme. Ça s'arrête quand on est capable de supporter que ça s'arrête, quand le client est capable de balancer son désenvoûteur. Donc j'ai arrêté exactement comme les autres, sur un prétexte. Je lui ai écrit que je ne pouvais plus venir, ce qui n'était pas vrai. Je retournais là-bas, mais j'ai arrêté de la voir. Bon, et là-dessus s'est branché un scandale. Enfin, un article à sensation de Ouest-France, reprenant un dossier de l'Express à mon sujet, et découvrant quel était le bourg où j'avais habité, et faisant une carte de la région en montrant le village des sorciers, c'est celui-là, c'est celui où l'ethnologue a habité. Et à partir de ce moment-là, dans tout le bocage, il y a eu le village des sorciers. Donc ça a créé un tort considérable aux gens du bourg où j'avais habité, car on venait les visiter le dimanche en disant « c'est ici le bourg des sorciers, c'est ici le cimetière des sorciers, c'est ici la maison de la sorcière ». Car bon, l'article de l'Express à mon sujet s'intitulait finement « La sorcière du CNRS ». 2 ans après, il y a eu un meurtre de sorcellerie dans la région d'Alençon, c'est-à-dire 2 ensorcelés ont descendu leurs sorciers. Et Ouest-France a essayé de faire parler les gens. Et comme naturellement, personne n'a voulu parler ni dans le bourg de la victime, ni dans le bourg des assassins. Et comme ils ne trouvaient rien à dire, ils ont fait une ressucée de l'article qu'ils avaient fait 2 ans avant sur moi. Et il y a tant d'années déjà, la sorcière du CNRS... Et un article en caractère gras sur mes travaux et sur le fait que je connaissais particulièrement bien la région où étaient les sorciers et le sorcier et les 2 assassins, et une carte représentant le bourg où j'avais habité, celui des assassins et celui du sorcier. C'est-à-dire qu'il y avait maintenant 3 points de sorcellerie dans le bocage, et j'étais reliée sur une carte à ces points-là. Bon. Dans la région, tout le monde a pensé que j'avais trempé dans ce meurtre, que j'étais au courant de cette histoire de sorcellerie, que je connaissais le désenvoûteur. Et... Bon, après ça, c'était un peu impossible de se représenter chez un désenvoûteur. Deuxième année et demie que j'étais là-bas, il y a tout un groupe de gens qui étaient ensorcelés, qui m'ont demandé d'être l'heure des envoûteuses et ça aurait fait une clientèle, une très bonne clientèle d'une, je sais pas, soixantaine de familles à peu près. Et j'ai refusé sous le prétexte que quand on accepte de désenvoûter, ça veut dire qu'on va rester là toute sa vie. Et j'ai dit, mes gosses, ils doivent retourner à Paris. Donc je vais retourner à Paris et donc je peux éventuellement désenvoûter cette année, mais comme je ne resterai pas, il vaut mieux que je ne le fasse pas. Bon, ça c'était une réponse, enfin que je croyais honnête quand je l'ai faite. Et puis ensuite, en y réfléchissant, je me suis aperçue qu'il me manquait personnellement quelque chose qui fait le désenvoûteur, qui fait qu'on peut être désenvoûteur, c'est qu'il faut vouloir... Enfin, il faut accepter et prendre son plaisir à maîtriser la vie et la mort des gens. C'est-à-dire que... Enfin, il faut avoir envie de développer à ses clients un tableau de l'état où ils sont, où ils en sont exactement par rapport à la mort. Pouvoir dire perpétuellement à ses clients, vous alliez mourir dans 3 jours. Si vous continuez comme ça, vous mourrez dans 27 jours ou dans tant de jours. Raconter en détail, avec des images très fortes, comment leur vie est menacée dans l'instant. Bon. Leur tirer la tête de l'eau et puis la replonger. Avoir envie de les dominer, de les sauver et de les perdre, enfin, et de leur montrer leur perte perpétuellement. Et ça suppose un genre de désir que je n'ai pas du tout, moi. C'est-à-dire, je suis incapable de tant de violence... au moins explicite. J'ai vécu tout le temps dans une société, enfin dans un milieu où il n'est jamais question de la mort, où on ne doit jamais en parler, où quand on veut que les gens claquent, surtout on ne le dit pas, on n'en donne aucun signe, où on ne fait jamais aucune prédiction, ni aucune malédiction. Et là, tout d'un coup, j'arrive dans le bocage et je vois les gens se regarder, dire « celui-là, il n'en a pas pour longtemps ». Et je vois les gens, enfin les ensorceler, dire mon sorcier m'en veut à mort et voilà la forme sous laquelle il m'en veut. Il veut m'arracher les cheveux, me dépecer, avec des images corporelles très fortes. Moi, j'étais complètement fascinée. C'était incroyable pour moi, tout cette prolixité pour parler de la mort et de vouloir tuer. Et qu'on puisse enfin entendre parler de que la vie, c'est tuer ou mourir, enfin qu'il n'y a que cette possibilité-là, où il a ma peau ou j'ai la sienne, qui sont des choses en fait qu'on expérimente tous les matins, mais dont on parle absolument jamais. Alors j'étais fascinée par ça. Le troisième œil, par Liliana Bainsour, Laurent Danon-Boileau et Bruno Sourcy. Ce soir, guérisseur et envoûtement. Demain, désenvoûtement et exorcisme. Malicorne, la blanche biche. blanche biche, tous les jours les chiens du château me poursuivent. La chasse est après moi, les barons et les princes, et mon frère Renaud qui est encore bien pire. Ces chiens, je vous prie. Où sont tes chiens, Renaud, et ta chasse gentille? Ils sont dans les bois qui courent blanche biche. Arrête-les, Renaud, arrête, je t'en prie. Chaque soir, après le troisième œil, autour du même thème, Laure Adler reçoit un écrivain. Louis Costel, dans votre livre qui s'intitule « Un cas d'envoûtement », vous commencez en disant « Je ne suis pas exorciste et pourtant ». Et pourtant, de nombreuses fois, on est venu me poser la question, on est venu me demander d'enlever des sorts. C'est à propos de ces jeteurs de sorts et de tout ce qui se passe autour de vous que vous avez décidé de faire un livre qui se lit effectivement comme un roman, qui apparemment est un roman, mais qui en fait a pour lieu un lieu très précis et pour personnage des gens que vous connaissez. Écoutez, en raccourci, il faut dire aussi que c'est un problème qui m'intéresse depuis très très longtemps. Je suis d'un pays, du pays de Barbey d'Orville, des grands-parents de l'Orne, de l'Essé, ce qui explique que depuis très très longtemps, je m'intéressais à la question de la sorcellerie. Et j'ai publié il y a un an et demi un livre sur la sorcellerie dans le Cotentin. Et lorsque j'ai publié ce livre-là, qui était un roman qui rapportait une affaire de sorcellerie du XVIIe siècle, je l'avais écrit comme un roman documentaire. J'ai été amené ensuite à faire de nombreuses causeries, conférences, veillées avec des jeunes, peut-être une vingtaine, je ne sais pas. Sur le coup, au cours de ces veillées, de ces causeries, on posait des questions assez lointaines, quelquefois, du sujet. Et puis après, le surlendemain, après ces causeries, j'ai reçu coup de téléphone, visite, lettre, de gens qui rapportaient leur cas très personnel, qui étaient convaincus être ou ensorcelés, disait-elle, ou envoûtés. Et c'est ce qui m'a donné l'occasion d'écrire ce livre-là. Mais je ne pensais pas, je le dis sincèrement, que le problème fût aussi actuel après avoir écrit un livre qui remontait à deux siècles, trois siècles, voyez-vous. Alors que là, nous nous trouvons en août 1976 dans une ferme La Martinière à Saint-Marcouf-des-Champs dans le Cotentin. Dans le Cotentin, oui. Tout ça est très réel. Alors ça commence comme ça commence toujours, c'est-à-dire qu'un enfant commence à être malade, la grand-mère pense que ce n'est pas naturel. La grand-mère, son rôle est important. Voyez-vous, j'ai trouvé que pour les deux époques du XVIIe siècle et du XXe siècle, qui sont très différentes, évidemment, au point de vue formation, au point de vue développement intellectuel, le même principe qui fait que l'on croit à la sorcellerie. Et je le résume à peu près en cette phrase, à défaut de remède, on cherche des coupables. Hier, il y a trois siècles, on s'occupait de dénoncer quelqu'un comme sorcier, soit pour lui nuire, soit pour obtenir quelque avantage. Et on imaginait à cette époque qu'un sorcier ayant été brûlé, tous ses problèmes personnels allaient s'arranger. Il fallait un coupable qui paie. Actuellement, parmi les 60 cas environ que j'ai pu observer, on remarque un peu le même processus. Ça commence toujours par le même... La même question qu'on se pose. Il y a quelques ennuis dans la famille, un drame. Une maladie, souvent la maladie, oui. Et on commence par se dire, dans ce pays qui a quand même une tradition chrétienne, je ne dis pas qu'il est profondément chrétien, mais qu'il y a une tradition chrétienne fortement teintée de jansénisme et de superstition aussi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Parce que s'il arrive un malheur, si on reçoit quelque chose... qui est un mal, il y a une cause, puisqu'on est puni normalement. Et alors, quelque temps, on se demande, on s'examine. Et puis... On trouve toujours des circonstances étranges. Et il y a aussi la tradition orale qui joue un très grand rôle. Tout à l'heure, vous parliez de la grand-mère, du rôle de la grand-mère dans ce roman documentaire. Eh bien, la grand-mère, chez nous encore, joue le rôle de la tradition orale. C'est-à-dire, lorsque la génération actuelle se pose des problèmes, des questions qui paraissent insolubles, et qui, en général, toutes ont trait au problème du mal dans le monde, eh bien, cette grand-mère se souvient de ce qui se passait jadis, de tels personnages de la paroisse, qui jouait un rôle néfaste. Et dans chaque commune, chaque paroisse, chaque village encore en Normandie, on se souvient, il y a au minimum 50 ans, tel personnage. Alors, L'appelait-on jeteux de sort, c'est un terme consacré mais qui était rarement employé à cette époque-là. Mais on se souvient très bien que cette personne-là avait des pouvoirs. Alors, il faut toujours se rappeler que ces gens qui se posent tels problèmes face au mal sont des gens qui se laissent écraser. Donc, qui sont des victimes. Qui dit victime, dit coupable. On cherche un coupable. Il y en a toujours. Il y a toujours un coupable, oui. Alors, dans la Manche, que je connais spécialement, il y a certaines personnes que Jeanne Fabré a appelées les annonciateurs, et qui a pour but de déceler l'origine du mal en la personne de quelqu'un. C'est ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Cette histoire semble assez exemplaire, puisque c'est quand même l'histoire d'une famille. C'est une histoire exemplaire, évidemment. Il y a la fabulation romanesque, mais tous les faits qui sont notés sont absolument authentiques. Même l'histoire de la Vierge, de la statue de la Vierge lumineuse, qui incarne le mal, alors qu'il s'agit d'une statue de la Vierge, est réelle. Alors, est-ce qu'on peut donner un peu le scénario ? Premier acte, un enfant tombe malade, on dit qu'il est noué. Deuxième acte, la grand-mère dit que cet enfant n'est pas malade parce qu'il est malade, qu'il y a quelqu'un qui lui veut du mal. Troisième acte, l'enfant meurt, quand même il est mort. Quatrième acte, il semble qu'il y a un coupable. Le coupable, c'est une femme qui a intérêt à ce que cette famille-là aille mal. Et ensuite, envoi d'une statuette, vous en parliez tout à l'heure, envoi d'une vierge qui va complètement posséder la mère du petit enfant, c'est-à-dire la belle-fille de la grand-mère. Celui ou celle qui envoie le mal est normalement un ennemi. Alors, la recherche se fait parmi les ennemis possibles, et surtout très anciens. Et le problème, vous savez, chez nous, en Normandie, le problème du voisin joue un grand rôle, surtout. En Normandie, on peut être trois voisins sur 3 kilomètres, on est toujours des voisins. Et contrairement à la ville où peut-être 25 personnes côte à côte ne se connaissant pas, en campagne, ces trois voisins se connaissent. Et de deux choses l'une, on se parle ou on ne se parle pas. Et il peut exister des voisins avec lesquels on n'a aucun rapport depuis 25 ans. Donc, ils sont suspects de tous les maléfices possibles. Alors, c'est souvent le cas d'un voisin. Ou, dans le cas d'un cas d'envoûtement, cette ancienne fiancée, qui ne peut que vouloir du mal à cette femme qui empêchait le mariage, c'est-à-dire la mère du personnage principal. Alors, d'un côté, il y a la grand-mère qui croit beaucoup aux jeteurs de sorts et qui va entraîner sa belle-fille, bien malgré elle, dans tout ce circuit de jeteurs de sorts. De l'autre côté, il y a cette belle-fille qui n'y croit pas, mais qui est bien obligée d'y croire, car il y a la mort de son fils. Et puis, de l'autre, il y a le père de l'enfant, qui, lui, ne croit pas. Et c'est grâce à lui que la famille pourrait être débarrassée. Lui, se laisse un peu traîner. Il se laisse un peu traîner. Il se laisse vaincre par l'ambiance. Parce qu'il faut toujours se souvenir que ces gens qui se disent ou qui se croient envoûtés sont des gens, je l'ai dit, qui sont écrasés et qui se referment de plus en plus sur eux-mêmes. Des gens qui, en général, coupent tous les rapports sociaux qu'ils avaient auparavant. Comme cette famille qui s'était complètement exclue du village. C'est ça. Et ces gens ne font plus que de collecter dans leur mémoire tout ce qui n'a pas marché et de prévoir aussi tout ce qui ne marchera pas. Et on en arrive à ne voir que ce qui ne marche pas. Et le moindre fait prend des proportions très grandes. C'est-à-dire, c'est toujours le même circuit, maladie d'un enfant ou maladie d'un homme, maladie des animaux, maladie des vaches, tout commence à aller mal. On est vaincu, on est écrasé. On ne peut pas en sortir. Et il est évident que ces gens qui sont marqués par cette forme d'envoûtement, et le terme envoûtement convient très bien alors, sont des gens qui ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Alors votre histoire est très morale, puisque ces gens-là arrivent à s'en sortir, et ils arrivent à en sortir grâce à la religion. Grâce à la religion, c'est beaucoup dire. Je ne pense pas, la religion n'est pas donnée comme une recette à tous les maux. Il y a le personnage important de l'exorcisme, du père Balto, qui est un personnage qui a existé, que j'ai très bien connu, et qui est tel que je l'ai décrit, qui était un homme de bon sens. Et qui d'abord a essayé de les mettre debout. et de faire surgir autour d'eux un courant de sympathie qui puisse les remettre à les tenir debout. Et ça a marché dans cette famille? Dans cette famille, ça a marché. Mais ça se passe à la limite comme un miracle. On a l'impression que parce qu'un prêtre parle et leur dit « ne croyez plus », ils se mettent à ne plus croire et ils se mettent petit à petit à se réintégrer à la vie villageoise et à aller mieux. Vous avez remarqué que l'exorciste ne fait pas de sermons au mauvais sens du mot. Il ne les envoie pas aussitôt mettre un cierge à Saint-Antoine ou à tel autre saint qui pourrait les guérir d'une manière miraculeuse. Il essaye de les remettre face aux réalités de la vie, de la souffrance, de la mort. Et d'assumer ces choses, puisqu'ils sont chrétiens, en chrétiens. Alors vous êtes prêtre, vous commencez votre livre en disant « Je ne suis pas exorciste, mais... » comment ça se passe dans le Cotentin? Est-ce qu'on vient dans votre village? Est-ce que beaucoup de gens viennent vous demander de dénouer des sorts? Et que pensez-vous de l'exorcisme? Dénouer des sorts, on ne me demande pas de dénouer des sorts, évidemment, puisque je le voudrais, je ne pourrais pas faire d'exorcisme, puisque le pouvoir de l'exorcisme est lié par l'évêque et confié à un seul prêtre par diocèse. Moi, les gens que j'ai reçus, c'est à la suite des retombées qui se sont produites après l'avant-dernier livre et puis ces causeries, j'ai longtemps hésité à recevoir ces gens. Mais au plan humain et au plan chrétien, je ne sais pas quel sentiment vous auriez à mon égard si j'avais mis ces gens à la porte, en me moquant d'eux, par exemple. Ces gens-là, quand ils surviennent, je ne les invite pas à venir, mais quand ils surviennent chez moi, j'essaye de les comprendre, j'essaye de voir qui ils sont. Bon, peut-être que je fais comme M. Jourdain faisait de la prose, de la psychothérapie, sans le savoir. Mais s'ils sont chrétiens, j'essaye justement de leur montrer comment se résout pour nous chrétiens le problème du mal, de la mort, de la souffrance. S'ils ne sont pas chrétiens, j'essaye de les raisonner au plan humain, de voir que la vie, elle est faite de toutes sortes de choses, de bonnes choses, de mauvaises choses, qu'il faut assumer. Et le jour, justement, où on ne peut plus assumer ces choses-là, il survient cette forme. Ces personnes qui n'assument pas ces choses sont sujettes à l'envoûtement. Et le mot envoûtement veut très bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire des gens qui sont écrasés. Et vous avez beaucoup de personnes qui viennent vous voir, par exemple, cette année? Écoutez, depuis 2 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu au moins 60 visites et coups de téléphone. Parmi ces gens, évidemment, il y a une forte proportion de personnes déprimées. Mais à la suite aussi, des coups de la vie, des ennuis, surtout, très souvent, des ennuis d'affaires, des affaires qui ne marchent pas, surtout dans le milieu rural. La crevaison des bêtes, comme on dit dans le Cotentin, la sécheresse, toutes choses qui apparaissent. D'ailleurs, il faut se souvenir que toutes ces choses, il y a 3 siècles, étaient considérées comme des maux envoyés par les sorciers. Et votre livre est reçu comment par les exorcistes? Eh bien, voyez-vous, j'étais très heureux, non pas de recevoir des louanges, mais que ces prêtres de Rennes, d'Alençon, qui sont des exorcistes, et qui ne sont pas, je m'excuse de l'expression, qui n'est pas du tout péjorative à leur égard, mais des petits rigolos, des gens qui sont des gens de grand bon sens, qui ont une grande expérience de la vie, sans que je leur ai demandé, je leur ai même pas envoyé ce livre-là. Ils l'ont lu, le sujet les intéressait. Eh bien, m'ont écrit que ce livre pouvait être un livre bénéfique, car il démystifiait l'envoûtement, à une époque où il est de plus en plus à la mode, non seulement dans le Cotentin, chez nous, en campagne, mais même à Paris. De Louis Costel, un cas d'envoûtement aux éditions Fayard. Quand te marieras-tu, Daniel, mon fils? Quand te marieras-tu, dis-le-moi, dis. Je ne suis pas bien pressé, mère, oh mère, Nani. Je ne suis pas bien pressé, mère, je vous le dis. Quel chapeau que tu donneras à ta femme quand tu te marieras, Daniel, mon fils? Quel chapeau que tu donneras à ta femme quand tu te marieras, dis-le-moi, dis. J'ai une vieille capuche qui traîne par la mer, je lui donnerai. Faudrait pas croire que je vais acheter un beau bonnet brodé tout comme vous, mère, oh mère, Nani. Mère, j'ai toujours bien fait mon service. J'ai toujours bien fait mon service, mère, je vous le dis. Quel soulier tu donneras ta femme quand tu te marieras, Daniel, mon fils. Quel soulier tu donneras ta femme quand tu te marieras, dis-le-moi, dis. J'ai une vieille paire de sabots ferrés qui traîne par la mer, je lui donnerai. Faudrait pas croire que je vais acheter des belles bottines tout comme vous, mère ou mère Nani. Mère, j'ai toujours bien fait mon service. J'ai toujours bien fait mon service, mère, je vous le dis. Quelle robe tu donneras ta femme quand tu te marieras, Daniel, mon fils. Quelle robe tu donneras ta femme quand tu te marieras, dis-le-moi, dis. J'ai une vieille peau de chef qui traîne par la mer, je lui donnerai. Faudrait pas croire que je vais acheter une belle robe de soie, tout comme vous, mère ou mère Nani. Mère, j'ai toujours bien fait mon service. J'ai toujours bien fait mon service, mère, je vous le dis. Dans quel lit tu coucheras ta femme quand tu te marieras, Daniel, mon fils. Dans quel lit tu coucheras ta femme quand tu te marieras, dis-le-moi, dis. J'ai une vieille couette d'épines à travers sa lentille, mère, je lui donnerai. Faudrait pas croire que je vais la mettre dans un bolide douillet, tout comme vous, mère, oh mère, Nani. Mère, j'ai toujours bien fait mon service. J'ai toujours bien fait mon service, mère, je vous le dis. Gloria, la vieille chamois, patrie et filio, elle fait mon gâteau. Tu en auras, et in principio un gros morceau. Malicorne. Nuit magnétique, Bruno Gagnère-Fontanille, Jean-Marc Papadacci, Marie-Christine Gaucher, Liliane Abinsour, Bruno Sourcy et Laurent Danon-Boileau. Bonsoir, à demain. Thank you. Cette émission est le deuxième volet d'une série de 5. Première diffusion sur France Culture le 11 décembre 1979. Cette émission est à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.